FrenchPod.com. La semaine passée, je suis allée à l'ouverture de la galerie Art Nouveau. C'était comment ? Excellent. Ils avaient même prévu un énorme buffet. Ah, je savais que j'allais regretter d'avoir perdu l'invitation. Grave erreur, mon cher. Et tu es sur le point d'en commettre une autre. Comment ça ? Et hop ! Par ici la dernière coupe de champagne. Ah, décidément, tu es trop rapide pour moi. Je manque d'entraînement. Écoute, jeudi prochain, dans le 16e, vernissage d'un sculpteur libanais, séance de rattrapage avec houmous et taboulé.